On va voir si ça se protège, si ça se fait. Si Public, tu m'avais dit que tu ne prendrais pas de ce problème. Tu me laisses toujours emporter. Juste avant de parler de ça, il y a deux points que je voulais mentionner. Le premier, c'est qu'il y en a souvent qui ont mentionné qu'à la fin des conférences, où il n'y avait pas souvent l'occasion entre eux de se parler, parce que on peut entendre parler des choses intéressantes pendant les conférences, mais si on est tout seul à la maison, on ne peut pas en discuter avec grand monde. Ce qui fait que Robert a organisé au restaurant Commensal, après les conférences, à chaque vendredi, maintenant, il y a une section réservée à l'Académie Harris. Ça fait que s'il y en a d'entre vous qui ont le goût de placoter de vous autres, ben, vous pouvez y aller. Tout le monde, ceux qui veulent se rejoindre, vous pourrez aller là. C'est au deuxième étage, c'est indiqué, Académie Harris. Académie PMC. Académie PMC, excusez, c'est pas de suite, ça, je lis dans le futur. C'est ça? Okay. Je suis plagué dans le mauvais canal. Et puis, le Commensal, c'est situé au coin de Saint-Denis et Sherbrooke. L'entrée est sur Saint-Denis. Ça fait que vous y aller à pied par contre ici. Deuxièmement, aujourd'hui, j'ai écouté une nouvelle, pour une fois. Et j'ai écouté pendant à peu près 40 minutes le discours d'un représentant de l'Irak qui mentionnait pendant que les pays arabes étaient en meeting, eux autres. Lui, il déclarait ce que le président de l'Irak voulait dire au peuple de la terre. Et puis, ce qu'il disait là-dedans pendant à peu près 40 minutes, que Dieu l'avait nommé pour extirper, pour extraire du Koweït puis du reste des pays arabes les forces du mal, qui étaient les Américains. Et puis, transformer ça en guerre sainte, là, pas mal son affaire. Et puis, il dit qu'il a demandé au peuple arabe de se débarrasser de leur gouvernement interne, c'est-à-dire que demander aux dirigeants de l'Arabie Saoudite d'embarquer avec lui contre les forces du mal, qui sont représentées par les Américains. Et puis que si le gouvernement ne voulait pas le faire, ben, il disait au peuple, aux Arabes, débarrassez-vous de votre gouvernement, puis venez-vous avec moi. Puis si vous faites ça, Dieu va vous protéger, Dieu va vous bénir, et sinon, ben, vous allez en enfer. C'est évident que pour un soldat de l'Arabie Saoudite, c'est lorsqu'il s'il a se battre contre l'Irak, quand il va avoir à tirer, il va se demander s'il tire sur un envoyé de Dieu ou bien non, sur un criminel. Puis ça donne une puissance assez astronomique à l'Irak, le fait de pouvoir amener l'idée justement que c'est Allah qui les envoie à la guerre. À la guerre. Là, ça complique les affaires pas mal pour les Américains, j'ai l'impression. Oui, parce que il y a plusieurs choses. Premièrement, j'ai souvent dit que s'il y a une troisième guerre mondiale, ce sera une guerre sainte, donc une guerre religieuse. L'islam a un problème, c'est que l'une des rares façons de pouvoir rejoindre Allah est de mourir sur un champ de bataille en temps des infidèles. Donc, nécessairement, la majorité des personnes qui sont, la majorité, non pas tous, mais qui sont dans l'islam, leur salut provient nécessairement d'un jihad, c'est-à-dire d'une guerre sainte. Donc, ils doivent se battre, tuer, pour convertir, et si possible, mourir pendant le combat. Mais il y a une chose qu'on doit comprendre, c'est que dans le passé, l'humain pouvait évoluer très rapidement si son corps physique mourait violemment. Alors, si on tuait un corps physique violemment, la majorité des parties de l'âme, des parties du corps astral qui sont basses en vibration, restaient accolées au sang et au corps physique, et nécessairement, ça libérait la partie la plus subtile de l'âme de cette contrepartie anti-homme. Ce qui permettait, au niveau des humanités, une évolution beaucoup plus rapide. C'est pourquoi le Nazaréen devrait mourir sur la croix, violemment, c'est-à-dire que c'est Longinus qui va finalement l'achever avec une lance. C'est pourquoi, lors de l'instauration des peuples teutoniques anglo-saxons, au niveau d'Odin, qui était le guide, encore une fois, on allait au banquet d'Odin, c'était les guerriers, donc les vikings qui mouraient au combat, qui avaient la possibilité de rejoindre Odin. Allah, ça a été la même chose. Mahomet a conquis les peuples en massacrant les peuples. C'était tu te convertis ou tu meurs. Alors, ça mourait, ça se convertissait. Les chrétiens ont fait un peu la même chose. On a toujours considéré que les martyrs étaient plus évolués que les non-martyrs. Donc, les missionnaires martyrs avaient plus de valeur que les missionnaires qui étaient parvenus à convertir sans être martyrs. Alors, pendant donc toute l'évolution de la cinquième race mère, la race neuronique blanche, c'est une évolution de sacrifice et il y a une caractéristique évolutionnaire qui fait que celui qui meurt violemment a plus de chances d'avancer. Donc, du point de vue de la religion islamique, qui est amenée par Mahomet quelques centaines d'années après le passage du Nazaréen, il parlera lui aussi de Jésus, il parlera de Dieu, il l'appellera Allah, et il induira l'idée, et disons, dans ce temps et de ce point de vue, il avait raison, que la seule façon d'évoluer rapidement, donc de rejoindre Dieu, était de mourir sur un champ de bataille en tuant les infidèles. Toutes les religions sont chapeautées par un Dieu. Souvent, l'humain dit, on prie tous le même Dieu, mais de façon différente. L'affaire qu'il y a, c'est qu'on ne prie pas le même Dieu. Il y a un paquet de dieux différents dans le monde de la mort, donc dans le ciel, et chacun des dieux se nourrit de l'émotivité de ses fidèles. Alors, si on dit on prie tous le même Dieu, il y a eu des dieux qui étaient totalement idolâtrés, des dieux animistes, il y a des dieux qui se font la guerre régulièrement. On a toujours eu des problématiques entre les religions, on en a encore aujourd'hui. Le peuple juif a été banni de la majorité des contextes planétaires. L'Allemagne avait sa propre religion. L'islam a sa religion et le Dieu islamique n'est pas le Dieu des chrétiens. Le Dieu catholique n'est pas le Dieu des témoins de Jéhovah, etc., etc. Et chaque Dieu est dans une espèce de sphère, une arme planétaire, une arme divine, un égrégore. Chaque Dieu a propre, comme l'ego humain, comme l'âme humaine, chaque divinité planétaire est assujettie à deux lois. La première, c'est s'exprimer. La deuxième, c'est se nourrir. S'exprimer, cela veut dire à travers un prêtre. S'exprimer, ça veut dire laisser des traces pour que le Dieu puisse reconnaître qu'il existe. De ce fait, il demandera à des individus de parler en son nom. Alors, il saura qu'il est là. Et deuxièmement, il a besoin de s'alimenter pour ne pas mourir. C'est-à-dire qu'un Dieu qui n'est pas prié, un Dieu qui n'est pas adoré, après quelques centaines, voire des milliers d'années, il disparaît totalement de la surface du plan planétaire et on n'en entend plus parler. Alors, à l'époque du Dieu chrétien à Rome, il y avait d'autres dieux là. Les dieux disaient aux Romains, si vous écoutez le Dieu chrétien, le Dieu catholique, le Dieu chrétien à l'époque, eh bien, vous serez condamné, je viendrai vous tuer. Et il y a eu beaucoup de Romains qui ont eu de gros problèmes. Mais plus on massacrait les chrétiens, encore une fois, les chrétiens évoluaient rapidement parce qu'on les tuait dans les arènes, plus on martyrisait les chrétiens, plus ça nourrissait émotivement l'égrégore du Dieu chrétien. Celui-ci est devenu beaucoup plus grand. Devenant plus grand, il est entré en guerre contre le Dieu romain, ce qui a fait en sorte qu'à terre, on entrait en guerre contre les humains qui adoraient l'autre Dieu. Et progressivement, les dieux romains sont morts. On peut parler donc de Zeus, on peut parler de tous les dieux qui étaient reliés au panthéon grec et romain. Jupiter ou Zeus, c'est le même, dépendant des langues. Aujourd'hui, on doit donc comprendre que la première loi que Dieu, un Dieu planétaire, un Dieu humain, un Dieu créé par l'homme à l'image de la ressemblance de l'homme, la première loi qu'un Dieu donne à l'humain, c'est celle-ci. Croissez et multipliez-vous. Donc, plus il y aura de personnes pour m'alimenter, plus je serai puissant. La deuxième loi, c'est aller et convertir. De ce fait, les témoins de Jéhovah voudront convertir, les mormons voudront convertir, les chrétiens ont fait des croisades, ils ont fait des conquêtes, ils ont converti en masse. Et l'islam veut convertir. Chaque dieu oblige ses fidèles à aller chercher des alimenteurs humains pour venir le nourrir. Et c'est pourquoi on a toujours donc cette croisade qui peut être pacifique, qui peut être violente, une croisade où les individus qui adhèrent à une religion, à une théologie, convertissent et veulent convertir. Plus il y a d'humains qui croient à une chose, plus le Dieu devient puissant, donc plus le Dieu peut prouver qu'est-ce qu'il est le vrai Dieu. Maintenant, au niveau de l'islam, c'est la même chose. Présentement, on est à la fin, à l'apogée, à la fin d'un cycle d'évolution où on a des retours de mémoire du passé d'une façon massive actuellement. De ce fait, il y a des personnalités islamiques qui vont réincarner Mahomet. Mahomet est un bonhomme, un personnage qui, très jeune, a eu un contact avec Gabriel. Gabriel qui, à un moment donné, aurait parlé aussi à Marie, etc. Du point de vue de certains ésotéristes, Gabriel, c'est un extraterrestre. Du point de vue de d'autres, Gabriel, c'est un Melchisedec. Du point de vue de d'autres, Gabriel, c'est un gestionnaire de l'information d'envoyer dans des humanités en voie d'évolution. Et Mahomet aurait rencontré Gabriel. Gabriel lui aurait expliqué certaines choses, certaines voies, et lui aurait dicté l'assemblage du Coran, qui sont une agglomération de sutras et de paquets d'histoires. Et par la suite, Mahomet, avec l'islam, va entrer en guerre contre les peuples qui vont l'entourer, et c'est par la violence qu'ils vont les convertir. Aujourd'hui, on parlait dernièrement des Mohawks qui, justement, réincarnent massivement les guerriers du passé. Il y aura d'autres Amérindiens qui vont faire la même chose, ce qui fait que, comme dans le passé, les Amérindiens étaient des peuples uniquement guerriers, donc uniquement violents, mais reliés à des mécaniques de religion, évidemment, on peut s'attendre à une forme de violence. On peut s'attendre présentement, planétairement, dans la décennie qui va venir, à une recrudescence concentrée d'un paquet de choses qui sont passées dans le passé. Pour que l'humain puisse, on peut dire, synthétiser toutes les leçons de l'histoire en dedans d'une dizaine d'années. Alors, l'islam revient donc à la surface. Les historiens disent que l'islam devrait normalement être le focalisateur d'une troisième guerre mondiale. Il devrait y avoir des guerres civiles un peu partout sur le plan planétaire. L'Union soviétique, faux allié ou enfin allié temporaire des États-Unis d'Amérique, devrait entrer en guerre contre les États-Unis d'Amérique. et il devrait y avoir un pilonnage de l'islam par en dessous, et vers les années 97, où on aura un apothéose, ou un apogée, une apothéose pour les militaires, le plus puissant point d'apocalypse, où on aura une guerre massive, probablement à l'échelle nucléaire. Par la suite, l'islam devenant trop puissant, l'islam va maintenant vouloir pilonner un de ses alliés, l'Union soviétique, et les Russes vont maintenant se revirer contre l'islam, devenir les alliés réels des États-Unis d'Amérique, et anéantir une grosse partie de cette religion qui va être l'islam. Et on aura vu la désintégration du monde de la mort de la majorité des religions pendant ce temps-là, ce qui fait qu'en 99, début l'an 2000, selon les livres d'histoire, il y a disparition du monde de la mort. Est-ce que Jean de Patmos dit aussi, celui qui a fait l'Apocalypse de Saint-Jean, lorsqu'il dit que les gens qui mourront ne trouveront pas la mort, il n'y aura plus de monde de la mort, donc tu meurs et tu réincarnes immédiatement dans quelqu'un d'autre. Et il y aura, de l'an 2000 à l'an 2013, une restructuration des choses planétaires, c'est-à-dire qu'il y aura eu beaucoup d'interventions, selon les historiens, de phénomènes humains, de phénomènes intraterrestres et de phénomènes extraterrestres, et de phénomènes qu'on appelle christiques, qu'on appelle au Québec des phénomènes supramentaux. On peut s'attendre effectivement à ce que ça bouge énormément, puis que les hauts placés de l'Irak prétendent maintenant que c'est une guerre sainte, c'est-à-dire que c'est Dieu qui leur demande d'aller extirper le mal. Le mal, c'est représenté par les États-Unis d'Amérique, par les Américains. C'est logique. Parce que l'Antéchrist, de toute façon, sera nécessairement représenté par les États-Unis, d'une bonne part. Et c'est pourquoi? Parce que les États-Unis d'Amérique, qui inclut le Canada, évidemment, sont les grands défenseurs de l'intelligence sur le plan planétaire. Les Soviétiques, eux, ont été les grands représentants du mental. Aujourd'hui, de plus en plus, l'intelligence supramentale, donc quelque chose qui est supérieur au mental, qui est de l'intelligence active, qui permet à l'humain non seulement d'avoir un amour intelligent, qui permet à l'humain justement de faire une sexualité sans le corps physique, qui permet à l'humain de savoir une chose lorsque c'est nécessaire qu'il le sache, sans avoir besoin de l'apprendre avant, l'intelligence que le Nazarien appelait l'Esprit Saint, l'intelligence supramentale, elle a beaucoup plus de focalisation aux États-Unis, au Canada et au Québec. Et on a parlé un peu la semaine dernière que les Américains auraient un rôle majeur à jouer parce qu'ils sont capables d'intelligence, tout en étant capables d'être détachés de l'intelligence lorsqu'il le faut, pour se rajuster à la hauteur des peuples un peu plus barbares, de façon à devenir aussi barbares qu'eux. Ce que la majorité des Canadiens ne peuvent pas faire, et ce que les Québécois, dans quelques années, ne pourront pas faire. Et j'expliquais que si on a un peuple pacifique entouré d'un peuple belligérant, c'est évident que le peuple pacifique va être colonisé immédiatement. Bon, alors si je dis à quelqu'un, ben moi je ne veux pas te donner de coups, ce qui fait que je vivons pacifique, ben si l'autre aime ça se battre, t'en donnes des coups tant qu'il veut, toi tu réagis pas. Les Américains, eux, vont donc servir à protéger les États-Unis, donc le contexte planétaire au niveau de l'intelligence, parce qu'ils sont très intelligents, écologistes, ils sont pacifiques, et si on les bafoue un peu trop, eh bien à un moment donné, ils se débranchent totalement, ils descendent dans la bas et ils rentrent en guerre. Bon, et là on va dire, oui, mais quand ils rentrent en guerre, ils sont aussi dangereux, ils sont aussi barbares que ceux contre qui se battent. Ben, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut, ils sont ajustés. Et on va dire, c'est ce qu'il faut. Du point de vue de l'intelligence, on va dire, non, il faudrait que dans les deux camps, on soit correct. Comme par exemple, au Vietnam, les Américains ont été aussi salauds que les Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale, ou que les Vietnamiens pendant la guerre du Vietnam. C'est évident. Pourquoi? Parce que tu dois t'ajuster à l'énergie de la place pour être capable de te battre contre les individus de la place. De ce fait, à un moment donné, quand il y aura, parce que la Troisième Guerre mondiale, si elle a lieu, ce sera une guerre sainte, nécessairement, ceux qui iront se battre contre les ennemis en croisade sainte devront eux aussi venir apposer leurs dieux. Parce qu'ils ne pourront pas supporter un combat contre des individus qui ont besoin de mourir pour évoluer et eux qui ont besoin de vivre pour évoluer. Alors, à un moment donné, il faudra que quelqu'un s'ajuste à quelque chose. Et ça peut nous amener vers des événements assez pénibles. Ça fait une bataille de dieux. Ben comme de toute façon, ça a toujours été au niveau des grandes guerres. La Deuxième Guerre mondiale était une guerre sainte, où Adolf Hitler voulait amener la race aryenne conquérir le plan planétaire, la race aryenne qui est la première sous-race de la race mère blanche. Et il voulait l'instaurer en Hyperborée, qui est le Québec actuel, du point de vue de sa vision. Alors, c'est toujours des guerres saintes, dans la majorité des cas. Si le Canada, les représentants des Canada et les États-Unis d'Amérique sont représentants de l'intelligence, on va probablement changer de premier ministre canadien bientôt. C'est pas si mal René que ça, quand même. Non. Bon, la sexualité sans le corps physique, comment on fait ça? Est-ce que c'est un cours sur comment on fait la sexualité sans le corps physique bon, ou le Canada? À quoi ça sert de de parler de sexualité sans corps physique. Pour moi, la sexualité, ça ne peut pas être autrement qu'avec un corps physique. Avec deux corps physiques, même. Idéalement. Oui, mais c'est parce que tu as une vision extrêmement ancestrale de ce que c'est que la sexualité. Une vision animale. Oui, ça se peut. Ah ben, c'est non seulement ça se peut, mais c'est sûr. Premièrement, il faut définir ce que c'est que la sexualité. Hein? La sexualité, c'est quelque chose qui est intimement relié à l'amour. Jusqu'à là, ça va. Jusqu'à là, ça va. Mais ce que j'ai dit, ce n'est pas du tout ce que tu penses. Alors, ça ne va pas du tout. Quand on dit faire l'amour, c'est faire un acte sexuel. Faire l'amour, c'est effectivement sexuellement relier deux corps physiques, copulation, chez ce que j'appelle l'animal humain, les parties animales qui dirigent. Sauf que ça n'a rien à voir avec l'amour, mais c'est faire l'amour. Bon. Comme quand j'étais jeune à la télévision, à un moment donné, on donne l'expression s'envoyer en l'air. Je me demandais vraiment comment ils pouvaient faire l'amour en s'envoyant en l'air. Là, je ne comprenais vraiment pas. Et c'est des trapézistes, probablement. Il fallait qu'il y ait de la précision. Mais, par la suite, quand on disait faire l'amour, je ne saisissais pas non plus ce que les gens voulaient dire. Et c'est devenu comme des... Ce sont des termes, évidemment, qui camouflent des situations, qui camouflent des choses. C'est comme, on va... quelqu'un qui fait bonne chair, c'est quelqu'un qui mange comme un cochon. Mmh. Bon. Alors, tu vas quelque part où il y a de la bonne chair. On ne l'a plus du tout. Alors, il y a énormément de mots comme ça qui ont été transformés, qui ont été adaptés, de façon à se cacher des réalités négatives, des réalités qui ne sont pas nécessairement convenables. Premièrement, j'ai travaillé avec des individus qui étaient louches, et on était dans un véhicule ambulancier, moi je suis conducteur, l'autre est préposé, et puis souvent, quand on rencontrait les gars, ou même carrément dans les ambulances quand on patrouillait, du moment que les gars rencontraient, ils voyaient une fille traverser la rue ou qui se promenait sur le trottoir, c'était immédiatement, hey, as-tu vu la cochonne, regardez, elle a marché, elle en veut, elle en veut. Faut te rendre compte que la fille, elle s'en va simplement s'acheter un paquet de cigarettes ou du pain au magasin. Alors, elle n'a vraiment aucune vision de sexualité, puis toute la majorité des gars sont tous d'accord et convaincus que les filles en veulent. Alors, comme les gars, c'est des bons chevaliers, ils leur en donnent. Sauf que si tu regardes, tu écoutes une discussion de filles entre elles, c'est une discussion de gars entre eux, tu te rends compte que le gars en veut. Et que progressivement, il a tout transposé chez la femme parce que l'intelligence qui habite l'humain, homme et femme, ne permettrait pas à l'homme de continuellement être sur une fille ou une femme s'il saurait que c'est uniquement pour lui plaire, pour se plaire à lui qu'il le fait. Alors, la majorité des gars dont, avec qui je travaillais, projetaient, étaient totalement convaincus tout le temps que c'était les filles, et continuellement, puis ça c'était évident, c'était évident sur toutes les sens. Sauf que les filles en veulent pas tant que ça. L'humain va finir par dire, on va faire l'amour. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans l'acte sexuel, l'homme va être capable de recevoir ce qu'il a besoin, et la femme va être capable de recevoir ce qu'elle a besoin. Mais ça devient un compromis dans l'amour qui est rendu à un point tel. C'est un peu comme si on disait, on va faire l'amour, on va manger toutes les deux, avec une seule fourchette, le même pudding. On fait l'amour. Quand je parle de sexualité sans le corps physique, ce que je veux dire, c'est que je parle d'une sexualité qui permettrait à l'humain d'aller chercher non seulement de l'évolution, d'aller chercher de l'énergie, mais c'est une sexualité qui impose le respect de soi et de l'autre, et des autres. Une sexualité sans le corps physique, on doit donc recomprendre ce que c'est que la sexualité avant. Et c'est bon qu'on en parle parce que de plus en plus, les femmes sont beaucoup plus aptes à être prêtes à vivre une sexualité sans le corps physique. Ça n'empêchera pas des relations sexuelles de temps en temps. Mais les femmes sont beaucoup plus prêtes, d'ailleurs elles le font souvent, avec les enfants surtout, et l'homme, de plus en plus il y a des hommes qui se rendent compte qu'il y a une séparation dans leur conscience, où ils commencent à être de plus en plus déçus d'être toujours pris à courir les fesses de quelqu'un, alors qu'ils vont, ils peuvent aimer ça un laps de temps, mais à un moment donné, il y a de plus en plus d'hommes qui finissent par se dire, par être un peu en colère contre eux-mêmes, parce qu'à chaque fois qu'ils rencontrent une fille intelligente, au bout d'une heure ou d'une semaine, ben il y a quelque chose chez eux qui les pousse nécessairement à vouloir coucher avec. Est-ce que c'est au niveau psychologique ou au niveau physique que le besoin est plus manipulateur? Bon, dans les deux cas. Premièrement, l'homme est manipulé uniquement parce qu'il se drogue à même la sexualité, à même la relation sexuelle. C'est une drogue. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'homme, le mâle, serait capable de s'injecter les hormones qu'il a besoin, il n'aurait pas besoin de sexualité et il n'en prendrait pas. Et ça ne serait pas long qu'il serait très rapidement adapté aux aiguilles, parce que ça serait beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide, puis la fringue, elle n'a jamais mal à la tête. Bon. Maintenant, on doit comprendre ceci. On met des aspirines dedans, au pire. Pour ôter de la... Oui? Bien sûr. Dernièrement, on s'est rendu compte, ça fait longtemps que ça se fait dans certaines voies ésotériques, mais la médecine a découvert que la majorité des personnes qui étaient des joueurs invétérés, donc des joueurs pathologiques, ils allaient jouer, ils allaient aux courses, ils allaient à Las Vegas, ils allaient un peu partout comme ça. Ils jouaient, et même s'ils perdaient, ils continuaient à jouer. Et ces êtres humains-là sont stables, honnêtes, puissants, équilibrés, tant qu'ils ont la possibilité de jouer, qu'ils perdent ou qu'ils gagnent. À l'instant où on commence à les empêcher de pouvoir jouer, ils tombent totalement. Et on s'est rendu compte qu'ils vivaient une période de sevrage identique à l'alcoolique ou encore à celui qui est drogué. Après analyse, on s'est rendu compte que ces corps physiques-là manquent de dopamine. La dopamine, c'est une catécholamine qui est précurseur de l'adrénaline. C'est une hormone qui est sécrétée au niveau du cerveau, au niveau de d'autres glandes, au niveau du corps. Et la dopamine, elle a certains effets qui permettent aux humains d'être plus heureux, d'être plus... Enfin bref, d'avoir justement les caractéristiques de notre joueur lorsqu'il joue, qu'il perd ou qu'il gagne. Ces personnages-là, ils vont jouer. Et les premières fois qu'ils ont joué, ils ont commencé à gagner un peu. L'ego, qui s'exprime uniquement par la voix endocrinienne dans le corps physique de façon à pouvoir se lire, s'exprime plus puissamment. L'individu découvre les effets de la dopamine. Et plus il va jouer, plus l'ego va sécréter. Quand il va commencer à perdre, il a le même stress. En réalité, il est dans le même état d'alerte endocrinien et neuronique. Et il finit par être en besoin d'une dose particulière de dopamine. Sexuellement, l'homme, c'est la même chose. On prend un enfant qui est un garçon qui, adolescent, n'a jamais eu de relation sexuelle. Pour être normal, il pourra chercher, et j'ai déjà expliqué aussi que ça se réincarne 24 heures sur 24 chez nous. Donc, l'enfant réincarne des mémoires d'enfant. Adolescent, le corps physique commence à être un corps capable de sexualité, mais l'enfant n'a pas besoin, il ne le recherche pas non plus. On ne comprend toujours pas pourquoi les gars aiment ça regarder les filles, puis les filles peut-être les gars. Et, à un moment donné, ce qui se réincarne dans le corps physique de l'enfant sont des mémoires d'adultes, qui, elles, vont vouloir posséder le corps physique pour l'amener à avoir des relations sexuelles et d'autres mécaniques d'adultes pour pouvoir se nourrir. Et ça va engendrer une guerre entre l'enfant et ses mémoires d'enfant contre les mémoires d'adultes qui viennent le posséder. Et c'est ce qu'on appelle la crise d'adolescence. Et l'enfant ne se reconnaît pas, il ne se retrouve pas, il est totalement perdu. Arrogant comme un adulte, enfant comme de l'autre côté, bon, les mémoires se battent. Et dans les 99% des cas, les mémoires incarnationnelles d'adultes vont gagner. Et maintenant, on passe à la phase d'adulte. Même là, tant que le jeune garçon, la fille, c'est la même chose, mais on parle de l'homme pour l'instant, tant que le jeune garçon n'aura pas eu de relation sexuelle, il ne la recherchera pas. Sauf du point de vue psychologique, de façon à être normale. Mais il n'en souffre pas de ne pas avoir de relation sexuelle. Il touche une fois à ce feu, et il est parti. Bon, dans la majorité des cas, maintenant il aura besoin de relations sexuelles. Pourquoi? Parce que la relation sexuelle dégage énormément d'énergie et fait sécréter des hormones, de nouvelles quantités d'hormones chez l'adolescent que son corps physique ne connaissait pas avant, donc que l'ego ne connaissait pas avant non plus. Et une fois que ça a été goûté, on est parti. Et là, à ce moment-là, ça devient un besoin physique, c'est plus psychologique. Ça devient un besoin physique supporté par le besoin psychologique. Les deux vont dans la même direction. Oui, sauf que c'est le besoin physique, physiologique, qui manipule l'homme à courir après une femme. Alors, quand une femme, les femmes souvent, ils disent toujours que les hommes sont des cochons, les hommes sont tous des hommes. C'est pas la même chose. Il y a nécessairement des mâles qui ont une évolution cellularisante, qui donc une évolution légèrement mutatoire, c'est-à-dire qu'ils sont de moins en moins sous l'emprise du système endocrinien du point de vue de la sexualité. Ça dépendra toujours des corps physiques. Il y en a qui sont mal pris. Mais est-ce que c'est parce qu'ils ont remplacé la drogue par une autre drogue ou ils se sont habitués à ne pas en avoir? Deux choses. L'insensibilisation du corps physique peut aider. Deuxièmement, il y a quelque chose qui peut se passer aussi au niveau de l'évolution. Donc, il y a de ça très très longtemps, l'être humain était une forme, était cellulairement parlant, un animal qui se reproduisaient en se séparant, comme on en a encore plein aujourd'hui. Les cellules le font aussi. Et progressivement, l'animal est devenu pluricellulaire, donc il a un corps cellulaire plus complexe, et il était hermaphrodite, c'est-à-dire qu'il était père et mère, comme on a encore plusieurs animaux qui le sont aujourd'hui. Je ne parlais pas juste du père de terre, on a aussi l'hippocampe qui l'est, puis d'autres. Bon. Progressivement, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a une forme d'énergie qui s'appelle de l'énergie vitale. Au niveau de la race aryenne, on parlera de Kundalini. Au niveau de l'Amérique, on parlera surtout du serpent Quetzalcoatl, serpent à plumes. Ça vole, ça monte. Et cette énergie-là, à un moment donné, elle a été mobilisée pour grimper le long de la colonne vertébrale, pour aller développer un centre qui sera le centre laryngé, permettant la parole, et développer un cerveau capable de recevoir des informations pour engendrer une parole, la parole devant développer une pensée. Quand c'est arrivé, l'énergie vitale qui a été mobilisée pour développer le centre laryngé et le cerveau a été scindée en deux. C'est-à-dire qu'il y a eu la moitié de l'énergie qui permettait à la reproduction qui maintenant est allée développer le cerveau et le centre laryngé. Donc, l'animal a commencé à être de moins en moins capable de reproduction. C'est-à-dire qu'il ne pouvait se reproduire une fois par année, une fois par deux ans, mais plus autant qu'avant. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu, on parlera donc de séparation des sexes progressifs, où on aura la femme qui aura un corps physique réceptif, l'homme qui aura un corps physique donneur. La femme qui aura un corps vital donneuse, elle portera la vie. L'homme qui aura un corps vital receveur, il cherchera l'énergie de la femme dans la relation sexuelle. La femme qui aura un corps astral réceptif, elle aura besoin d'affection et elle sera sur le plan psychologique plus faible que l'homme. Si on regarde historiquement, il y a des exceptions aujourd'hui, l'humain mute. L'homme sera, du point de vue psychologique astral donneur, il sera colérique, il sera violent, il donnera des ordres. La femme sera, du point de vue mental, donneuse, elle engendrera l'esthétisme, l'ordre. C'est le bonhomme qui va le faire. Le bonhomme fondamental est récepteur, donc comme j'explique souvent, comme au Guatemala, quand il pleut dans une cabane, ben, le bonhomme, là, lui, il est là, il se met à côté de l'eau, puis il est bien. Puis la femme a dit, hey, écoute, il pleut. La femme va donner des ordres, et puis le bonhomme va dire, ouais, mais là, je ne peux pas sortir dehors, il pleut, là. Quand il ne pleuvra plus, bon. Et quand la pluie cesse, le gars, il dit, ben là, ça ne pas la peine de réparer, il ne pleut plus. Bon. Et la femme va manipuler le bonhomme, parce que les hommes, regardez une fille célibataire, c'est souvent beaucoup plus propre chez elle qu'un gars célibataire. Ça change, parce qu'il y a des mutations au niveau social. Mais voyager un peu ou aller vous promener ailleurs un petit peu, on va se rendre compte qu'effectivement, très souvent, en tant qu'ex-ambulancier, je suis pénétré dans plusieurs maisons, puis je sais très bien comment c'est tenu, il y a des exceptions. Et puis, voilà, 10 ans, quand on rencontrait, on allait chez un homme célibataire, où c'était propre, on s'imaginait automatiquement qu'il était une tapette. C'était énorme, ça fait pas le ménage. Bon, donc il fallait que c'est homosexuel ou quelque chose de même, c'est le ménage, il fallait que c'est pas nécessairement un peu, bon. Il y a eu donc séparation. Parce que l'animal humain de l'époque était comme les animaux d'aujourd'hui, incapable de comprendre la nécessité de la reproduction, le mâle cherche la femelle, et puis la femelle recherche le mâle. La femelle recherche le mâle pour certaines raisons, le mâle cherche la femelle pour d'autres raisons, et ça crée des enfants. Parce que le mâle, lui, a besoin d'énergie et il est drogué hormonalement, il pourra courir toutes les femelles qu'il va rencontrer. La femelle, elle, ayant besoin surtout d'une forme d'affection, donc d'amour, lorsqu'elle mettra un enfant au monde, elle se nourrira effectivement de l'enfant. Donc, elle élèvera l'enfant. Parce que si la femme aurait été constituée comme l'homme, tous les enfants seraient morts. Pendant, même de quoi, pas tellement longtemps encore, la majorité des hommes, lorsqu'ils regardaient un nouveau-né, trouvaient que c'était gluant, laid et plissé. Bon. Alors que les femmes étaient en extase devant. Alors, les deux n'ont pas le même cerveau. Elles n'ajustent pas la vision de la même façon. Et progressivement, il y aura évolution. Il y aura évolution religieuse, théologique, qui, à un moment donné, dira à l'humain que la sexualité, c'est dangereux. En contrepartie, il y aura une religion tantriste qui dira que la sexualité est la façon d'évoluer. Et il y aura toujours les entre-deux qui diront, ben on ne sait pas quoi faire, ils disent tant de choses. La sexualité, pourquoi c'est dangereux? Pendant longtemps, certains disaient que ceux et les enfants qui se masturbaient pouvaient devenir débiles. On doit remarquer aujourd'hui que l'enfant n'est pas sexualisé, l'enfant n'a pas de reproduction sexuelle, donc il ne peut pas transmettre la vie, tant que quoi? Tant qu'il n'a pas atteint l'adolescence. Et on considère que l'enfant devient presque adulte vers l'adolescence et qu'il s'achèvera vers les 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ans. Effectivement, l'enfant ne peut pas sexuellement se transmettre, donc se reproduire, parce qu'il a besoin de trop d'énergie vitale, qu'on appelle le rôle d'énergie sexuelle. Il a besoin de trop d'énergie sexuelle pour développer le centre laryngé et le cerveau, pour faire en sorte que toute la génétique des lignées familiales, donc des parents, puisse se développer. Lorsque c'est développé, le médecin devient reproductif. Et il commencera à vieillir aussi, il commencera à faire plein d'énergie. Alors, il y a eu dans la religion, dans toutes les religions, énormément de freins au niveau de la sexualité. On parlait de chaste et pur. Remarquez, la chasteté n'a rien à voir avec la pureté. Chaste, cela permet à l'individu de conserver plus d'élan. Elle, elle est mieux que normal. Normal, c'est comme tout le monde, c'est pas nécessairement mieux. Alors, la personne ici parle de picotement sur ses mains lorsqu'elle touchait justement le corps de son ami. L'énergie vitale, c'est quelque chose qui se communique au maximum par les yeux, par le souffle, par les mains, par le pied, par la tête. Alors, quand on parle des magnétiseurs, c'est avec les mains surtout qui vont le faire, avec les yeux pour les hypnotiseurs souvent, et avec le souffle aussi. Maintenant, quand on magnétise quelqu'un, on peut le magnétiser, on peut même faire l'essai si vous voulez, l'important c'est de ne pas toucher le corps de l'autre, et la personne qui est magnétisée va commencer à sentir son bras s'engourdir. Elle peut sentir du froid, du chaud, et elle peut sentir des picotements. Donc les picotements sont effectivement une réponse à une circulation d'énergie. Il y avait donc une communication énergétique qui se faisait du corps vital au corps vital. Et ça se perçoit chaleur, froid, picotement, engourdissement, puis il y a des petits symptômes comme ça. Une façon d'avoir une relation sexuelle intéressante, vous pourrez essayer ça à un moment donné, mais c'est une relation sexuelle donc sans le corps physique, en ce sens, sans les parties génitales du corps physique. Et ça se fait entre deux hommes, entre deux femmes, ou entre une femme et un homme, entre adultes et enfants et entre enfants. C'est une relation sexuelle, comme je décris dans le roman que j'ai écrit, La Cité de Sept, et ça demande, premièrement, un encadrement particulier. Ça demande un encadrement où on est bien. Un encadrement où l'esthétisme, où l'onde de forme est capable de nous nourrir. Donc, où on se sent en amour avec le paysage. Autrement dit, on se sentira en amour avec soi-même. Et les deux individus, c'est un homme, un adulte et un enfant, eh bien, à un moment donné, ils veulent se parler, ils n'arrivent plus à se parler. Et il y en a un des deux, le jeune garçon, va lever une main. Il va juste la lever. Alors l'adulte fait la même chose, lentement, et les deux veulent approcher leurs mains l'une de l'autre. Ils ne peuvent pas. Les égrégores, l'ego humain, c'est ce que ça fait normalement, c'est qu'on ne sait pas si on est ridicule, on ne sait pas si on peut, on ne sait pas, on ne sait plus rien. Et j'appelle ça néotypé. Et c'est pourquoi souvent l'amour, avec un grand A, un grand M, un grand O, un grand U, un grand R, ça fait partie de nouvelles formes de néotypes. Autrement dit, c'est que l'humain n'a à peu près jamais vécu ça, donc il ne sait pas comment le vivre, il ne sait pas comment ça se vit. Exactement comme si on aurait un jeune garçon, une jeune fille qui, à un moment donné, voudrait avoir une relation sexuelle, qui n'ont aucune idée de comment ça se passe. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'il y en a un des deux qui doit se mettre à crier à un moment donné. Eh bien, ils seront gauche, ils seront droite, comme dirait un gaucher. Et à un moment donné, ils pourront apprendre, mais s'ils seraient formés, ça serait un peu plus facile, plus plaisant. Alors, à un moment donné, le garçon et le bonhomme, l'adulte, arrivent à avancer leurs mains, et les deux mains arrivent à se toucher. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe justement ça, comme la personne indique ici. Bon, il y a un paquet d'énergie vitale qui va circuler. Et subitement, les deux ont l'impression de se comprendre, de se connaître, d'être un. Ça, c'est une relation sexuelle sans le corps physique. Ils se touchent physiquement, mais sans les organes génitaux. Et on peut avoir une relation sexuelle comme la personne ici. Bon, quand il fait l'amour avec son ami, à un moment donné, il a constaté qu'en touchant sa peau avec ses mains, il y avait des picotements, ça a duré à peu près 2 minutes. Une relation sexuelle énergiopathique sur tous les niveaux, on peut la décrire un peu plus pendant la période de questions, peut amener une forme d'extase comme les personnes en ont dans une relation sexuelle d'ordre génital. Ça peut amener une forme d'extase qui peut durer de quelques minutes à quelques heures. Sauf que, étant donné que l'individu est pleinement conscient pendant qu'il vit la relation sexuelle énergiopathique, vu qu'il est totalement conscient, il n'y a pas de problème, il n'est pas parti. Comme ça peut arriver pendant les relations sexuelles ordinaires. Alors, effectivement, c'est de l'énergie vitale qui circule, et parce que les deux corps vitaux étaient en relation. Donc, il y a un échange d'énergie vitale. Vous savez, pour faire l'amour avec quelqu'un, normalement, il faut qu'on soit capable de décider, je ne parle pas d'une relation sexuelle d'affaires, là, je parle d'une relation sexuelle d'amour. Ça ne se fait pas avec n'importe qui. Et on doit se donner à l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire, se donner à l'autre? Premièrement, vous devez donner votre nudité à l'autre, à moins que vous fassiez ça la nuit. Bon, mais souvent, on a des enfants après ça qu'on ne reconnaît pas, parce qu'on n'a pas vu ce qu'on faisait. Hein, faut faire de faire ça le jour, enfin, quand il y a des quartiers. Alors on doit donner sa nudité, donc on doit donner le visuel de son corps, donc on doit donner son nombre de formes. On doit être transparent, pas mal plus, parce qu'on doit carrément se montrer nu devant l'autre, et ça peut l'autre peut décoder par plein de choses. On doit être capable d'accepter certaines choses, donc que l'autre nous touche. On doit accepter de le toucher. Je ne parle toujours pas d'une relation sexuelle animale, je parle d'une relation sexuelle, disons, qui est minimum humaine. Alors, on doit se donner. Se donner, ça veut dire que je permets à l'autre de pénétrer mon espace vital, hein, physique, vital, astral et mental. Je permets à l'autre de prendre toutes les énergies qu'il aura besoin de moi. Et si je suis totalement transparent et que je le fais avec une personne qui est totalement transparente, elle me permettra de prendre tout ce que j'ai besoin. Et ça, ça va engendrer une synergie de communication, et non pas une relation sexuelle banale, mais une relation sexuelle synergétique. Et une synergie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus on donne, plus on retrouve. Alors, les deux individus qui donnent vont commencer à remplir. Il y a une synergie de communication. Cela veut dire qu'ils communiquent sur tous les plans. Ils sont dans un véritable amour, et pas uniquement dans un amour charnel. Et ça crée des extases qui durent. Mais on ne fait pas ça pour trouver l'extase. L'extase, c'est simplement le bonheur. C'est une forme de bonheur. Un équilibre énergétique sur tous les plans. Et non pas une plénitude énergétique de circulation massive d'énergie pendant une demi-seconde. Alors l'individu, ce qu'il a vécu, c'est une relation sexuelle vitale, en plus de la relation sexuelle physique, ce qui est déjà très bon. Différence de potentiel. La jouissance sexuelle est pareille à la torture du corps, n'est-ce pas? C'est mieux que la croix. Ça dépend des goûts. Tu parles de qui, toi, là? Du télévangéliste? Non. Tu fais des rapprochements sexuels dangereux? Différence potentielle, là, puis la jouissance sexuelle est pareille à la torture du corps, n'est-ce pas? Bien, ça dépend des points de vue, évidemment. C'est une chose qui est évidente, c'est que la jouissance sexuelle, donc la jouissance physique, elle demande une grande sécrétion endocrinienne et nécessairement ça use le corps physique. Les hormones qui sont sécrétées, entre autres, pendant la relation sexuelle, sont celles qui sont sécrétées lors d'un traumatisme grave, quand une personne est en choc hypovolémique ou des choses comme ça. Il y a effectivement un peu usure du corps. Mais l'ego ainsi qu'une partie du cerveau se s'amuse bien. Est-ce que l'échange ou l'avoir d'énergie va être égal après le style de relation sexuelle, de relation mentale? Ça, je déforme les mots. Pourtant, M-E-N-T-A-L, on en parlera pas. Ça ressemble à sexuel, je trouve. Est-ce que l'échange ou l'avoir d'énergie va être égal après le style de relation mentale? Il faut faire attention encore une fois. Quand on parle de relation sexuelle sans le corps physique, on ne parle pas uniquement de relation mentale. Une relation mentale, ça nourrit les individus, mais ça nourrit le corps mental. Alors, tant que les individus sont en synergie mentale, c'est-à-dire qu'ils sont en train de créer, en train de travailler ou en train de légiférer, ça va bien. Ils s'énergisent tous les deux, c'est parfait, parfait, parfait, parfait. Sauf qu'une relation sexuelle ne doit pas être uniquement physique, elle ne doit pas être uniquement mentale, elle devrait être sur les quatre plans. Ça veut dire que l'individu ne doit pas limiter sa relation sexuelle au niveau du plan mental. Beaucoup de personnes qui se conscientisent à un moment donné vont avoir l'impression que justement elles doivent se limiter au niveau du plan mental. Pourquoi? Parce que tout ce qui est en dessous du plan mental appartient aux animaux humains, appartient aux bâtards, appartient à ceux qui n'ont pas évolué. Sauf que le corps astral, le corps psychologique, c'est lui qui supporte et qui supportera encore longtemps l'énergie mentale. Un corps astral mal énergisé fait qu'il va têter l'énergie mentale et on descend. Alors, au lieu d'avoir de l'intelligence, on va commencer à mentaliser. C'est-à-dire qu'on va essayer de rendre logique, mais dans l'absurde, la majorité des mécanismes humains. Alors, on doit être capable d'avoir un échange énergétique, donc une relation sexuelle au niveau du mental, de l'astral, du vital et du physique. Bon, on verra avec les autres questions s'il n'y a pas à expliquer, puis quand on aura expliqué. S'il n'y a pas de questions, je leur expliquerai la fin. Est-ce qu'un individu peut développer son mental pour attirer de l'intelligence en ayant un blocage d'émotions au niveau du plexus, ou il faut d'abord qu'il se débloque? Il faut d'abord qu'il débloque ce niveau avant. Premièrement, une des choses que la personne qui a écrit cette question devrait faire, c'est qu'elle devrait s'arranger pour être moins hésitante. C'est-à-dire qu'une grande partie de sa vie, elle se lance, elle s'arrête et elle repart à chaque fois, ou à presque à chaque fois. Parce qu'elle devrait décoder ça, ça va énormément l'aider à répondre à cette question. Et est-ce qu'un individu, donc elle, peut développer son mental pour attirer l'intelligence L'intelligence prémentale, l'Esprit Saint, l'esprit qui n'est pas coloré par les mémoires de l'homme, par l'ego de l'humain, l'intelligence prémentale vient uniquement lorsqu'un individu est prêt, c'est-à-dire qu'on ne l'attire pas. Mais nécessairement, se préparer, c'est comme l'attirer. On doit avoir un mental suffisamment puissant pour être capable d'ajuster le neuf à notre vieux. Donc, d'être capable de gérer un ajusteur de pensée. L'intelligence, donc ce qui amène de l'information neuve, peut venir chez l'humain à l'unique condition que l'humain ne soit pas, ne devienne pas totalement paranoïaque uniquement parce qu'il commence à voir des choses neuves. Lorsqu'une personne, par exemple, et c'est l'apanage de l'humain, hélas, l'humain qui n'a pas encore suffisamment de centricité dans son intelligence, disons qu'un individu est dans une religion, à un moment donné, il se rend compte que peut-être la religion ne lui a pas apporté tout ce qu'il voulait. Alors, et pour se détacher de la religion, il va rejeter la religion. Il peut même haïr la religion. Alors que la religion l'a amené jusqu'à ce détachement. Dans l'intelligence, l'individu doit parvenir à faire la même chose, c'est-à-dire qu'il devra être suffisamment centré dans son intelligence pour être capable de ne pas rejeter tout ce qui l'a amené à être ce qu'il est, mais pour être capable aussi de se dissocier de ce qui l'a amené à être ce qu'il est. C'est comme je dis souvent, on monte une marche, mais si on veut amener la marche avec nous pour continuer à monter, on va rester pris là. On doit monter les marches en abandonnant des marches. Puis on ne crache pas, on ne veut pas détruire les marches, on perd du temps sur une marche plus haute à taper sur une marche plus basse. Alors qu'on devrait carrément monter, continuer à avancer. La personne a un blocage émotion au niveau du plexus. La majorité du système émotif au niveau des centres, des carrefours d'énergie passe par le plexus solaire. C'est ce qui a fait dire à Aristote, tu connais Aristote, il a inventé le système aristotélicien. On était à l'école ensemble. Ah, c'est ce que je pensais. Et toi, tu coulais? Tu étais un de ses élèves? Ben, je balayais, ta classe. Okay. Je pensais que tu étais cobaye dans un bocal. Bon, alors Aristote... Oui, mais Aristote, ce qu'il avait dit, lui, c'est que justement, tout le centre émotif était dans le cœur. Et depuis ce temps-là, on a toujours, t'as pas de cœur, faut avoir du cœur, etc. Il y a un bon cœur, bon, le cœur, le centre, le plexus solaire. C'est là que la majorité des circulations d'énergie vitale engendrées par des blocages émotifs et par des plaisirs émotifs au niveau de l'ego vont se faire. La personne ici, bon, au niveau d'un blocage du plexus, ou si est-ce qu'il faut débloquer le blocage hein, avant d'avoir de l'intelligence? Non. Le blocage, il est au niveau astral, au niveau psychologique. La psychologie, c'est la relation entre les mémoires, les désirs et l'émotion dans l'âme. Psychose veut dire âme, logie, science qui étudie. Bon. L'individu qui a un blocage va vivre des frustrations s'il développe son mental malgré qu'il ait des blocages. Mais on doit parvenir, à un moment donné, à différencier les quatre corps primaires, les quatre corps planétaires. Est-ce que je peux évoluer même si je suis malade? Ta maladie, elle est physique. Ton évolution n'est pas physique. Oui, tu peux évoluer même si tu es malade. C'est mauditement plus plaisant d'évoluer en santé. Soit. Est-ce que je peux évoluer même si, vitalement, je suis dévitalisé? L'évolution n'est pas une question d'énergie vitale, pas au point de vue de la conscience. Au point de vue de l'application, oui, tu ne pourras pas appliquer. Mais tu pourras comprendre, conséquentialiser les choses. Alors, il y a des blocages au niveau astral. Est-ce qu'on peut développer l'intelligence? Absolument, on peut intelligencer, on peut trouver stupides les choses qui sont inécologiques, on peut trouver brillantes, intelligentes les choses qui sont écologiques. Mais on aura de la difficulté à appliquer parce qu'un ego qui va être bloqué va toujours être entre nous, la conscience, et l'expression, l'accomplissement. En devenant plus intelligent, c'est-à-dire, qu'est-ce que j'entends par intelligent? Je ne parle pas de l'intellectuance, que l'humain appelle souvent l'intelligence. L'intellectuance, pour moi, c'est de l'intelligence passive, c'est-à-dire que c'est tributaire de nos mémoires. L'intelligence, c'est actif, ça ne dépend pas de nos mémoires. L'intelligence nous permet de découvrir au fur et à mesure que l'on avance, et pas par essai et erreur, mais découvrir par logique, par intelligence, par beauté, par écologie, par esthétisme, par c'est évident. Alors que l'intellectuance, c'est l'expérience. Alors, l'être humain qui est, ou voit, ou conscientise au maximum de l'intelligence ou de l'absurdité dans sa vie, dans son comportement, progressivement, s'il ne se culpabilise pas, il va finir par restructurer l'ego et les blocages vont progressivement s'en aller. Mais je répète que la question fondamentale, un être humain extrêmement évolué, est-ce qu'il peut être malade? Ben oui. Mais souvent, les gens disent, ben non. Bien oui. Un être humain qui est extrêmement bon, peut-il être malade? Oui. Physiquement, il peut être malade. Il peut surtout être dévitalisé s'il se fait têter par tout le monde, si tout le monde ambitionne, parce qu'il a un cœur gros comme la face des autres. Alors, l'être humain qui évolue peut aussi être pogné psychologiquement. Parce que l'âme, ce n'est pas vous. La pensée et les blocages, ce n'est pas notre conscience, c'est autre chose. Ça habite le même corps que nous. C'est la mémoire de nos ancêtres. Ça fait partie un peu de notre vie parce que ça veut vivre au travers de nous. Mais quand vous faites des conneries puis que vous ne vouliez pas les faire, vous ne les avez pas faites. Eh bien, c'est quand même moi qui ai donné un coup de poing à sa personne. Non. Trouves-tu ça intelligent? Non. Voulais-tu en donner un? Ben non. Ça sert à refaire. Le referais-tu? Ben non. Pourquoi tu l'as fait? Voilà. Parce que c'est pas moi qui l'ai fait. On est effectivement piraté par un virus. On est possédé plus ou moins. Et on doit vivre en se séparant de ce qui nous manipule. Pour ceux qui ne viennent pas souvent ou qui sont ici pour la première fois, on reprend l'exemple facile. Quand vous vous couchez, vous voulez dormir. Ça prend combien de temps à dormir? Ah ben, vous êtes épais ou bien vous êtes manipulé. Comme vous n'êtes pas épais, vous ne vous couchez pas dans le but de niaiser dans le lit. Hein? On se couche dans le but de dormir. Ou ben non, pour faire des zigouzis. Bon, OK. Mais disons, pour dormir. On se couche pour dormir. Si je me couche pour dormir, puis ça me prend une demi-heure, ou je suis épais, je me couche pour niaiser, ou je veux dormir, mais ça passe dans ma tête. Et je le répète, quand vous parlez dans votre tête, vous pouvez arrêter quand vous voulez. Quand ça passe dans votre tête, vous ne pouvez pas arrêter ça quand vous voulez. Ça passe dans votre tête. Ça passe dans la mienne. On pense qu'on pense, on est manipulé, on ne pense pas. On parle, on se fait ramasser comme il faut. Alors l'individu, c'est un peu la même chose. Il a de l'ego, il a un paquet de mécaniques qui vont tout faire pour l'empêcher de découvrir qu'il n'est pas celui qui se sent coupable, qu'il n'est pas le colérique, qu'il n'est pas l'impatient, qu'il n'est pas le sexuel, mais que tout ça est une structure qui l'habite et qui intimement lui fait croire que c'est lui. Pourquoi tu m'as dit ça? Parce que je voulais dire, pourquoi tu l'as dit? Ben oui, ben c'est ça. Si c'est moi qui l'ai dit puis je ne voulais pas le dire, effectivement, pourquoi je l'ai dit? Hey, je t'ai fait. Mais il y a autre chose. Si à un moment donné, mes mots ont dépassé ma pensée, ben où c'était pendant que ça parlait? Mais justement, on est deux. Et on doit, dans l'évolution, parvenir à être le maître contrôleur de ce qui nous habite, ben justement. La personne ici, elle peut continuer à avancer. À un moment donné, elle sera capable de restructurer. Mais elle ne doit pas se culpabiliser pendant son avancement. Ah, gars, je suis encore pogné. Maudit que je suis niaiseux. Tu n'es pas pogné et tu n'es pas niaiseux. Il y a quelque chose chez toi qui bloque totalement ton avancement. C'est comme si vous accélérez, puis votre voisin, il met son pied en dessous de votre pédale, de votre accélérateur. Alors vous pesez, puis vous dites, maudit, je suis niaiseux. J'ai beau peser, même pas capable d'avancer. T'es pas niaiseux. Il y a quelqu'un qui met son pied en dessous. C'est bien simple. Puis quand on va finir par découvrir que le problème de notre évolution n'est pas à l'extérieur, puis n'est pas à l'intérieur où on pense, on commence à travailler sur ce qui nuit. Hein? On ne veut pas être malheureux, puis souvent on l'est. On ne veut pas être inquiet, ça s'inquiète chez nous. On ne veut pas être jaloux, on est jaloux quand même. Après ça, on regrette. Ben franchement, c'est pas nous autres qui le faisons, c'est nous autres qui regrettons. Qu'est-ce que l'écran mental et à quoi ça sert? L'écran mental, à quoi ça sert? Bon, qu'est-ce que l'écran mental? C'est facile à répondre. À quoi ça sert? Ça sert pas grand-chose. Bon, ça a des utilités. Un écran mental, c'est lorsque... Si c'est bien appliqué, ça peut être formidablement utile, mais habituellement, dans la façon dont ça a été amené sur la planète, l'écran mental, les gens se sont servis pour faire des projections, surtout. Un écran psychologique, c'est de l'imagination. Ça passe dans notre tête et on essaie de structurer la pensée pour imaginer quelque chose de particulier. Une pomme, une fleur, un paysage, une maison, bon. Un écran mental, le mental, c'est différent de la pensée. Quand vous êtes mental, vous parlez. Quand vous êtes psychologique ou astral, vous pensez. Alors, vous pouvez penser à haute voix, c'est ce qui arrive quand vous déblatérez n'importe quoi, et vous pouvez penser dans votre tête. Quand on est mental, on parle et on contrôle sa parole, donc on ne dit pas quelque chose qu'on ne voulait pas dire. Et quand on parle, si on dit des choses fausses, on le sait immédiatement, on peut les rectifier, on est là. Et on peut aussi parler dans sa tête. C'est ce que l'humain va appeler se raisonner. Voyons, non, là, j'ai encore peur, là, mais si tu nous dis d'avoir peur, bon, je devrais arrêter d'avoir peur, là. Là, vous parlez et vous essayez de parler à votre ego, à celui qui vous contrôle. Là, vous êtes mental. Un écran mental, c'est avec la parole, c'est la même énergie qui engendre la parole, essayer de définir quelque chose qui n'est pas de la parole, mais qui devient une image, un visuel. C'est beaucoup plus puissant que l'écran émotif ou l'écran imaginatif. Et l'écran mental, quand on arrive à placer ça ici, normalement, planétairement, c'est ce qui avait été amené au départ, on place un désir dans l'écran mental. Et l'avantage du mental, bon, c'est une question qui serait plus facile à répondre en séminaire, c'est assez d'envergure. Il y a sur la planète Terre des énergies physiques, on les connaît, la science s'en occupe. Il y a des énergies vitales, on les connaît, la magie, la sorcellerie, les religions dans le rituel s'en occupent. Il y a l'énergie astrale, les religions, les psychologues et les manipulateurs, les politiciens s'en occupent. Il y a le plan mental où les ordinateurs, les intellectuels, etc., les philosophes aussi souvent vont s'en occuper. Quand on travaille avec l'énergie vitale, le magicien par exemple, le mage ou le sorcier, l'énergie vitale, c'est ça exécute ce qu'on lui demande. Donc, plus on aura de puissance, d'autorité, plus ça va exécuter. Alors, spirituellement, on a l'idée que si tu as la foi, tu peux bouger les événements, même déplacer une montagne. Si tu as suffisamment d'énergie astrale chez toi, tu pourras commander l'énergie vitale qui pourra créer un miracle, guérir. L'énergie vitale, c'est de l'énergie intra-atomique, c'est ce qui maintient la forme atomique du corps physique, entre autres. L'énergie mentale est beaucoup plus puissante que l'énergie astrale. Assez qu'au niveau du programme maître-contrôleur, on parle souvent de développer une autorité mentale dans l'astral. Un écran mental, si on place quelque chose dedans en tant que désir, on a beaucoup plus de chances que ça arrive parce qu'on va manipuler beaucoup plus puissamment le plan vital. Mais une chose que souvent les individus ne savaient pas, c'est qu'il y a énormément d'êtres humains qui ont aussi des écrans mentaux. Alors, quand il y en a un qui veut de la pluie puis l'autre veut du beau temps, les forces vitales transpirent. Est-ce que c'est ce que l'alchimie fait aussi, utiliser le plan mental? Ça dépend des alchimistes. L'alchimie se sert surtout des forces spirituelles qu'elle va dominer par le plan mental dans le but de bouger vitalement de la matière. Transformer du plomb en or, transformer du charbon en diamant, évidemment, c'est simplement une symbolique que l'alchimiste voit, parce que Al, c'est Dieu, hein, Allah, chimie, c'est la chimie de Dieu. Transformer l'impur en pureté, transformer l'homme en Dieu. C'est ce que l'alchimiste veut faire. Alors, il va travailler normalement sur tous les plans avec une dominante des plans spirituels. Qu'est-ce que la vasectomie change à la sexualité? Ben, normalement, il y a moins de problèmes après. Mais au niveau de la relation vitale, ça ne change pas grand-chose. Au niveau de la relation hormonale, ça change un petit peu certaines choses. Mais ça ne change pas. Pour dire, ce n'est pas. Ça change pas grand-chose. Si je permets à mon conjoint de me pénétrer sans avoir aucune jouissance animale ni sécrétion, est-ce que je perds quand même mon énergie vitale? Bon, c'est une question qui est toujours un peu compliquée parce que, après ça, la femme, si elle décide de bouger, après ça, l'homme est mal pris, puis ici, puis ça, bon. Est-ce que je réponds honnêtement ou non, si je réponds politiquement? Oui. Je réponds. C'est que vous violez vous-même lorsque vous acceptez d'être l'esclave ou de servir à quelqu'un d'autre. Plusieurs femmes le font par pitié. On parle d'honnêteté, là. Alors, effectivement, bon, il n'y a aucune jouissance, il n'y a absolument rien. Eh bien, qu'est-ce que tu fais là? Tu crois peut-être à d'autres choses? Alors, mentalement, on perd un peu d'énergie. Astralement, on perd de l'énergie. Vitalement, on en perd aussi. Au niveau de l'intelligence, en tout cas, moi, personnellement, je me sentirais juste à voir ce que moi, je perdrais à devoir faire l'amour à une femme qui voudrait être ailleurs que là. Je ne la respecte pas. Elle, est-ce qu'elle se respecte? Et le respect de soi, c'est énormément vital, énormément mental. On doit conserver ces énergies-là. Et là, on va dire, oui, mais il faut que je respecte mon mari. La première personne à respecter, c'est soi. C'est la première. Parce qu'on ne respectera jamais quelqu'un qui n'est pas respectable. Autrement dit, on ne vous respectera pas si vous ne vous respectez pas. C'est sûr que du jour au lendemain, on dit à l'autre, ben là, écoute, fini. J'étais une conférence le vendredi dernier, là. C'est quoi le nom du conférencier? C'est ça. Il n'a pas dit son adresse, des fois, dans la conférence, là? 505 Sherbrooke. Mais, faut, dans n'importe quelle expérience de la vie, c'est un peu la même chose. Vous savez, on ne vit pas, on n'est pas uniquement que de passage sur la planète. Bien que la majorité ne sache pas pourquoi ils sont là, chose qui est évidente, c'est que plus on va être là, plus on a des chances de savoir pourquoi on est là. On a plus souvent l'impression d'être dans le passage. Ouais. Que de passage. Ouais, ben ça. Les gens passent dedans, ça ne rend pas trop temps. On s'en allait à voir ça, même pas en Rolls-Royce. Mais ça, c'est pour toi, évidemment. Mais on doit faire attention pour préserver le respect de soi-même. On parle aussi de la sexualité, ça se fait même avec soi. Je ne parle pas de masturbation, là. Je fous de tes mémoires encore, là, parce que... Mais le respect de soi est extrêmement important, ce qui fait que la dame ici, elle perd de l'énergie, veut pas. Surtout, il y a pire encore que j'arrive pas à dire, mais que je vais vous dire, c'est que l'humanité perd de l'énergie quand ces choses-là arrivent. L'humain, c'est pas. En tout cas, si je serais un extraterrestre, puis je verrais des. Bref, il y a beaucoup de choses que j'aimerais dire, mais que. Dans des situations comme ça, c'est des bons moments pour appliquer la transparence. Pour la... Non, ce serait tout l'invisibilité, puis la. Non, mais. En tout cas. Oui, c'est évident. Il peut y avoir des discussions. C'est toujours difficile. C'est... Oui, sauf que l'homme qui est présentement totalement subjugué, manipulé par son endocrinologie, manipulé par son besoin d'hormones, donc par le manque de drogue, c'est pas tellement le temps de commencer à faire de la philosophie spatiale. T'as mieux de parler de ça le matin. Il y a rien d'or. Mieux d'y en parler le matin en déjeunant que juste avant là. C'est évident que c'est important de commencer à instruire l'homme. Il y a une chose qui est évidente, c'est qu'un homme qui veut changer, si vous lui laissez votre corps, ça c'est pas aussi dommageable ou aussi pire que l'autre qui n'a rien à faire avec, que c'est juste histoire de dire, bon, ben quand il fait ça pour se faire tranquille, là, que j'en journée à moi, là, c'est pas correct. Mais quelqu'un qui veut changer, qui est mal pris, vous savez, il faut comprendre quand même certaines choses. On reste avec un homme, on reste avec une femme, on reste avec des enfants. L'idée de, il n'y a pas de volonté, ça me réfère. Bon, parce qu'on a juste à vous donner un peu d'héroïne, puis après ça, on vous dira, prends-en plus, développe ta volonté, voilà. Vous allez voir ce que c'est qu'il n'y a pas de volonté. Alors, c'est pas ça qui est l'idée. Mais quelqu'un qui est rendu un plan d'esthétisme supramental, un plan d'intelligence, où il comprend toute la mécanique, puis qui est encore pogné et mal pris, exactement comme la personne qui veut arrêter de fumer, puis qui est encore pogné à fumer, mais celle-là, elle mérite qu'elle fume devant moi, dans mon nez, je m'en fous. Elle travaille pour, elle a l'esthétisme, il y a déjà une relation énergique entre nous deux de toute façon, elle veut, on va lui donner tout ce qu'il faut pour qu'elle le fasse, pour qu'elle y parvienne. Mais c'est pas d'argent. Quand tu seras beau, on verra, on n'arrivera jamais à rien. Alors c'est évident qu'une personne, un homme par exemple, qui est mal pris, qui le sait qu'il est mal pris, ben il souffre déjà énormément. Il n'est pas sevré, il a besoin d'apprentissage, on peut l'aider. Tandis que l'homme qui n'est pas dedans du tout, ben là, en tout cas, moi si je serais une femme, il y aurait pas mal d'hommes frustrés. Je suis toujours entouré, j'ai rien dit là. Non, mais tu l'as pensé. Je suis toujours entouré d'hommes qui m'aiment et qui sont prêts à tout me donner, mais je ne les aime pas. Prenez tout, puis donnez rien. Je vis seul et j'aime vivre seul, mais il arrive parfois qu'une partie de l'ego a toujours la phobie de l'être parfait, prêt à échanger sur tous les plans, mais il y a très peu d'hommes que je considère parfaits. Ceux que j'aime ont des femmes qui vivent avec eux, ou soit qu'ils ne m'aiment pas. Je me demande très souvent si j'avais être seul toute ma vie. En tout cas, le temps que vous vous le demandez, ça occupe. Mais vous ne serez pas seul toute votre vie. Ce que vous devez comprendre aussi, c'est important. Ceux qui sont des gens en couple, ou ça va mal, ou ça va bien. C'est rare que ça monte les deux. Et il y a des personnes qui évoluent en couple qui évoluent drôlement bien. C'est extraordinairement intéressant assez que ça revalorise l'idée du couple. Maintenant, être seul, non. La majorité des hommes qui sont seuls, ou des femmes qui sont seules, ou de ceux qui auront un jour à se rencontrer, ne peuvent pas se rencontrer présentement. Pourquoi? Parce que l'identification dans leur intelligence n'est pas suffisamment avancée et probablement qu'ils retomberaient très rapidement dans les vieilles formes, dans les vieux égrégores, et ça viendrait juste donner de l'appui à l'ego lui disant, tu vois, je le savais, il n'y en a pas qui sont corrects. Tout ce qu'il y a, c'est que si l'homme et la femme... Il y a des exceptions, une chance. Et il y aura de plus en plus d'hommes et de femmes qui sont déjà ensemble, qui pourront être ensemble, et qui ne sont pas ensemble, qui vont finir par être ensemble. Il y en aura de plus en plus, de plus en plus en plus. Sauf qu'en attendant, si vous allez, par exemple, vous trouvez quelqu'un de correct, disons qu'on vivrait une vie de couple avant que les deux ou que l'un des deux soit prêt, ben on va tout altérer à un moment donné, ça n'ira pas non plus. Et ça fera encore nous dire que tomber en amour, c'est juste des problèmes. Etc., etc., alors que ce n'est pas nécessairement ça. Tomber en amour, oui, monter en amour, non. Et l'humain devra apprendre à monter en amour. Donc, la femme, est-ce qu'elle va rester toujours seule? Non. Sauf qu'il y a beaucoup de personnes, probablement, qui l'aiment, ne sont pas capables de lui dire inhibé, comme j'expliquais tout à l'heure. Parce que là, quand ils viennent pour y parler, ils se découvrent l'animal. Ils se disent, crime, c'est pas ça. Mais là, on fait comment? Comme je disais à un moment donné, une personne, tous les deux, on s'aime, mais on ne se voit jamais.